La fin du tarif réglementé du gaz approche à grands pas et les associations de consommateurs ont très peur d'une foire d'empoigne commerciale. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à naviguer dans les eaux troubles de cette transition énergétique. Et si jamais les choses tournent mal, eh bien il y a toujours la solution de faire brûler des vieux journaux pour se tenir chaud. Et dans le pire des cas, le jour il y a le soleil et la nuit il y a les étoiles. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Mais avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN vous permet de surfer en ligne dans l'anonymat et la discrétion absolue. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez aller sur la toile sans vous soucier des hackers et des logiciels espions. L'un des avantages de CyberGhost VPN, c'est qu'il est leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité sur Internet. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, le VPN va masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et faire passer l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel VPN sécurisé. Du coup, que vous soyez chez vous, dans un endroit public comme un hôtel ou un restaurant, eh bien, vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur sans crainte des hackers ou des logiciels espions. En plus, CyberGhost VPN permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming un peu partout dans le monde, notamment Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et BBC iPlayer. Et vous pouvez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils en simultané. Ça vous permet d'utiliser sur l'ensemble de vos dispositifs et d'en faire profiter votre famille. En cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, eh bien vous aurez 83% de réduction sur votre CyberGhost VPN avec 4 mois offerts. Ça vous fait votre VPN à 2,03€ par mois. Et cet abonnement CyberGhost VPN, vous pouvez le prendre sans risque puisque vous bénéficiez de la garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Et vous bénéficiez aussi des équipes support en ligne 24/7 dans 4 langues dont le français. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je dois vous parler d'Angèle. Angèle ferme la porte, déteste l'hiver. En fait, elle en a même peur. Il faut dire que le fond de l'air est frais. Bref, hier, Angèle avait rendez-vous avec sa copine Agathe pour aller prendre un café. Agathe the Power, je vous en ai parlé, c'est la jeune femme qui s'occupe de l'énergie en France. Donc, Angèle et Agathe se sont retrouvées dans un café pour pouvoir discuter. Il faisait légèrement froid, mais Angèle disait qu'elle était contente parce que chez elle, elle avait réussi à maintenir une température assez élevée aux alentours de 21-22 degrés. C'était plus que ce que demandait le gouvernement, mais tant pis, Angèle aime avoir chaud. Et en plus, comme elle est sur un tarif réglementé du gaz, elle disait que cela ne lui coûtait pas trop cher. C'est alors qu'Agathe a un peu baissé la tête. Elle lui a dit que ça ne durerait peut-être pas. Le tarif réglementé du gaz, c'est un tarif qui a été mis en place en 1946, juste après la guerre. Ce tarif, il est fixé par le gouvernement en fonction du coût de gaz, des frais de stockage, des frais d'acheminement et des taxes. Jusqu'ici, il pouvait changer tous les mois, jusqu'à ce que le gouvernement décide de le geler le 1er octobre 2021. Et le 1er janvier 2023, le gouvernement a permis l'augmentation du tarif réglementé du gaz de 15%, tout simplement parce que le prix du gaz tel qu'on l'achète, tel qu'on l'importe, a énormément augmenté. Mais ce tarif réglementé du gaz, il va s'arrêter dans 6 mois maintenant. Et c'est ce qu'explique Agathe à Angèle. Et là, Angèle, du coup, devient livide. Elle regarde même par la fenêtre, elle voit qu'il neige, qu'il y a des enfants qui sont en train de se lancer des boules de neige, des jeux blizzards, et elle revient sur Agathe. Elle dit « Mais comment ça se fait ?» Agathe lui explique que c'est une décision du Conseil d'État. La décision, elle date de 2017. Le Conseil d'État a jugé que le fait qu'il y ait un tarif réglementé du gaz, ce n'était pas conforme au droit européen. Alors, avant cette décision du Conseil d'État, les grosses copropriétés avaient déjà dû, en 2016, quitter le tarif réglementé du gaz pour aller vers le marché. Et ça n'avait finalement pas beaucoup d'importance, parce que en 2017 ou en 2016, eh bien, le prix de marché était inférieur au tarif réglementé. Donc les gens faisaient plutôt une bonne affaire. Et depuis cette décision du Conseil d'État, depuis le 20 novembre 2019 pour être précis, les particuliers qui déménagent doivent aussi faire appel au prix du marché du gaz et ne sont plus couverts par le tarif réglementé. Aujourd'hui, 60% des consommateurs sont déjà avec une offre de marché, non pas avec le tarif réglementé du gaz. Mais ce n'est pas le cas d'Angèle. Et elle est assez inquiète en parlant avec Agathe. Ce qui inquiète Angèle, en fait, c'est de se retrouver avec plusieurs offres d'entreprises privées et de ne pas bien comprendre ces offres. Et donc de se tromper en juillet quand elle devra changer de fournisseur de gaz. Alors là-dessus, Agathe lui dit que c'est bien possible qu'il lui arrive des problèmes. Mais pas celui d'avoir énormément d'offres. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, notamment avec les copropriétés, c'est que justement il n'y a pas assez d'offres. Il n'y a pas assez de concurrence, ce qui fait qu'elles ont beaucoup de mal à trouver un fournisseur et que quand elles trouvent un fournisseur, c'est à un prix démesuré. Le problème que va rencontrer Agathe, lui dit Angèle, c'est tout simplement d'avoir trop peu de personnes qui lui proposent un contrat pour le gaz et que le prix du gaz soit finalement beaucoup trop élevé. Et ça, Agathe a prévenu tout le gouvernement que ça risquait d'être un véritable problème et qu'il valait mieux prendre les devants. Pas comme on l'a fait avec les HLM ou avec les copropriétés. C'est-à-dire s'apercevoir après qu'elle se retrouve avec un prix du gaz beaucoup trop élevé. Et un gouvernement qui doit venir jouer les pompiers en imposant un prix maximum ou en créant un nouveau bouclier. Angèle est de plus en plus inquiète. Elle trouve que cet hiver, le gouvernement est givré. Agathe essaye de rassurer son amie, mais quand les deux femmes se quittent, Angèle sent bien que le mois de juillet risque d'être compliqué. Elle garde la crainte d'avoir plusieurs offres auxquelles elle ne comprendra rien et de finalement mal choisir son fournisseur de gaz et de se retrouver avec des factures absolument ingérables. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà une offre privée de gaz ou est-ce que vous êtes encore au tarif réglementé? Et si vous avez déjà une offre privée, est-ce que le prix est démesurément élevé ou est-ce que vous êtes resté à un prix normal, voire à un prix inférieur au tarif réglementé? Et si vous êtes au tarif réglementé, est-ce que vous avez peur de ce changement qui va arriver en juillet? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et le dicton du jour, le gaz, c'est comme les vacances. Ça monte en flèche, mais on n'en profite jamais assez longtemps. Et avant de terminer cette vidéo, eh bien, j'aimerais remercier encore une fois notre sponsor, CyberGhost VPN. Et vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description pour avoir 83% de réduction et 4 mois offerts sur votre CyberGhost VPN, ce qui vous fait le VPN à 2,03€ par mois. Et n'oubliez pas, un VPN, ça vous permet de circuler partout sur le net sans avoir peur des hackers ou des logiciels espions, et ça vous permet aussi de débloquer énormément de plateformes de streaming. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.